Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, auditrices, auditeurs, cinéphiles, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Ce soir, même si nous sommes loin, nous ne pouvons pas sentir sous nos aisselles les uns les autres, nous sommes toutefois au complet avec monsieur Lucien Alflans. Salut Oli, salut les gars, salut tout le monde. Et monsieur Manuelas. Santé les gars. Mais également monsieur Julien Rombaud. Bonjour tout le monde. Julien qui a l'air d'enregistrer directement dans son bain, vu la qualité pourrie de son son. Oh, quelle fine équipe, toujours aussi pleine de testostérone. Ce qu'on regrette, hein, nous aimerions énormément recevoir des filles derrière nos micros. Mais bon, pour le moment, ça ne s'est pas fait, mais on promet qu'on essaiera de le faire dans un futur proche. Néanmoins, ce soir, on va parler d'un film de filles. J'en dirai plus dans quelques secondes, parce que au sommaire d'un 45e épisode qui s'annonce chaud bouillant, on verra pour qui, n'est-ce pas ? On parlera dans l'ordre de Calamity, le film de Rémi Chaillet, suivi de Possessor de Brandon Cronenberg, et on finira par The Nightingale, donc le film de Jennifer Kent. Trois films qui se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans l'actualité cinématographique en ces temps moroses où les salles de cinéma nous manquent cruellement, surtout pour y découvrir peut-être certains des films qui sont au programme de ce soir. Mais mes amis, j'ai une annonce à vous faire ce soir parce que j'ai eu bien le temps de préparer cette émission. J'ai plein de petites notes et de petites choses, de petites surprises pour vous, de petits bonbons. Donc, comme j'ai pu bien préparer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire jeu d'intro, ça veut dire jingle, ça veut dire parole à Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Alors, le jeu d'aujourd'hui s'intitule Hashtag MeToo et pendant ta gueule, et il est consacré au genre follement sympathique du Rape and Revenge, en l'honneur d'un des films de ce soir, The Nightingale, qui n'est pas vraiment un Rape and Revenge stricto sensu, mais bon, on en parlera plus tard. Le Rape and Revenge, on le verra, concerne bien plus que le seul cinéma étiqueté d'exploitation. Alors, attention messieurs, trois questions, plein de sous-questions. Et alors, je donne la parole au premier qui dit Schwarzenegger. Alors, question numéro 1. Le Rape and Revenge se traîne peut-être une réputation de genre impropre et de mauvais goût. Mais pourtant, en 1960, un maître scandinave fort respecté réalisait un ancêtre du genre. Quel auteur, quel film ? Schwarzenegger. Un maître scandinave. Bon, ça doit être Bergman. Alors, c'est la moitié de la bonne réponse. Dans quoi ? La source. Exactement, La c'est Source, qui est plus ou moins l'ancêtre aussi de La Dernière Maison sur la Gauche de Wes Craven. Vous faites une bonne équipe, les gars. Alors, deuxième question. Pour faire justement ce grand écart qui nous est si cher vers le plus crasseux, le plus poisseux, intéressons-nous maintenant au grand poisseux en chef Abel Ferrara, qui réalise un autre canon du genre. En 81, j'aimerais que vous me retrouviez le titre original, le titre français, le nom de l'interprète principal, mais aussi dans quel autre film de Abel Ferrara peut-on la voir ? MRS 45, ouais. L'Ange de la Vengeance. Exactement. Avec Zoé... L'actrice qui est une figure féministe assez forte, je ne me souviens absolument plus de son nom. De toute façon, vous avez perdu puisque vous n'avez pas dit Schwarzenegger. Donc en fait, c'est Zoé Lund et elle joue également dans Bad Lieutenant, du même Ferrara, qu'elle joue la dealeuse de notre cher Harvey Keitel. Et okay. Ferrara qui jouait le violeur dans L'Âge de la Vengeance. Exactement. Très bien. Et troisième question pour finir sur une note plus mainstream. Le cinéaste préféré de Manu, Ridley Scott, s'est aussi illustré à sa manière dans le genre en 91. C'est bas, Olivier, tu paieras pour ce on truc-là. On sait tous bien ici qu'on est Team Tony. En fin d'émission, ça se paiera, ça. Alors, donc, lui aussi s'est illustré à sa manière dans le genre en 91 avec le hit de l'époque, Thelma et Louise. Dans ce film, dites-moi, qui interprète Thelma, qui interprète Louise, laquelle subit le rape et laquelle accomplit la revenge? Susan Sarandon, j'ai oublié l'autre. Gina Davis. Gina Davis. Oui, mais elles font qui? C'est qui? Ah putain, ça... Vous êtes mauvais, puisque c'est Thelma qui est interprétée par Gina Davis qui se fait violer, et Louise interprétée par Susan Sarandon qui accomplit la revenge. Voilà, donc ben, écoutez, ce soir vous n'êtes pas super super, alors que j'ai pourtant choisi des questions qui couvrent un spectre assez large. Les questions étaient très bien. Merci Lucien. Bon, eh bien, sans plus de prolégomène, nous allons enchaîner avec Calamity, le film de Rémi Chaillet. Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon? Bah, c'est pour les chevaux. Quelle calamité! Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté. Je m'appelle Marcus. Il faut se débarrasser de cette chaîne. Tu fais moi le malin maintenant, tête de boue. Rarement vu une fille aussi mal élevée. C'est pas une fille. La petite dame aurait peut-être du travail pour deux orphelins. Moi, je peux passer. Non, c'est trop dangereux. Employer des filles maintenant? Ouais, et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée. On m'appelle Calamity. Calamity Jane. Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, c'est la nouvelle réalisation de Rémi Chaillet, le français, après le court-métrage Eau-Forte en 2006 et son premier long-métrage Tout en haut du monde en 2015, que nous avions d'ailleurs conseillé à ce micro. Avant ce dernier film, donc Calamity, il a notamment travaillé avec Tom Moore sur Brendan et le secret de Kells, ou encore Jean-François Laguioni sur Le Tableau. Pour le film dont nous parlons aujourd'hui, Rémi Chaillet est crédité comme réalisateur, mais aussi scénariste et directeur artistique. Co-financé avec le Danemark, le film a remporté le cristal du meilleur long-métrage au dernier Festival international du film d'animation d'Annecy. Et porté par une presse enthousiaste, il a vu un éventuel succès public sacrifié sur l'autel de la pandémie, car sorti juste avant la deuxième fermeture des salles. Eh oui. Depuis début avril, il est disponible en DVD et Blu-ray, mais aussi en VOD et en Belgique. Vous pouvez notamment le voir sur la plateforme Sooner. Alors, ça raconte quoi? Très librement inspiré des bribes d'informations que nous avons sur l'enfance de la vraie Calamity Jane, une enfance de Martha Jane Canary met en scène Martha, future Calamity, alors qu'elle a une dizaine d'années et parcourt le territoire américain vers l'Oregon, faisant partie d'un convoi de colons. Alors que son père veuf se retrouve blessé dans un accident, Martha, aînée de trois enfants, va pour des raisons purement pratiques se mettre à porter un pantalon, apprendre à chevaucher un cheval et à conduire un attelage. Pointée du doigt par la communauté de colons, puis accusée à tort de vol, Martha va être amenée à prendre la fuite seule dans l'Ouest sauvage. C'est Manu qui commence sur le film de Rémi Chaillet. Mais comme tu l'as dit, Olivier, c'est vrai que c'est un film qui débarque aujourd'hui directement en VOD. C'est peut-être un écueil qu'on aura dans la réception du film, parce que je pense que c'est un film qui ne peut, à mon avis, s'apprécier pleinement que sur un grand écran, dans la manière dont Chaillet notamment travaille justement le format large, propre au western, un certain type de western, et notamment dans la partie prévisuelle qu'il reprend de son précédent long-métrage qui était Tout en haut du monde. Cette idée que le dessin fonctionne en aplat de couleurs et n'est pas forcément délimité. C'est le contraste entre des différentes couleurs qui va créer des jeux de lumière par opposition de teintes. Et donc, sur cet aspect visuel, le film est vraiment un enchantement de tous les instants et vraiment magnifie la nature et le voyage de Calamity. Il y a notamment tout un travail sur le gigantisme qui est extrêmement payant. Je pense notamment, il y a un jeu de montage à un moment assez intelligent et très poétique entre un scarabée ou un bousier qui est en train de pousser sa petite boule et un plan très large du convoi qui traverse la prairie qui est montré quasiment comme une sorte de procession de petites chenilles. Après, il est principalement à destination, à mon sens, des enfants. C'est peut-être le petit écueil. Si écueil, je pourrais parler autour du film, c'est qu'à mon sens, il reste quand même très largement un film enfantin. Je trouve que le parcours de Calamity manque un petit peu d'âpreté. Il y a plein d'aspects du parcours de Calamity où je pense qu'elle est confrontée à une adversité qui ne va jamais dans une dimension qui serait un peu plus effrayante, qu'on peut trouver par exemple chez Ghibli, ou chez, je pense notamment à Takahata, parce que le film a pu me faire penser à Horus de Takahata. Mais au-delà de ce bémol, je trouve que le point de vue entre guillemets féministe autour de Calamity que porte le film n'est pas du tout un point de vue qui est mis au chausse-pied sur le récit et qui s'insérerait mal dans le cadre de l'époque, etc. Ce qui peut être quelquefois le cas de certaines productions récentes à destination des enfants. Là, pour le coup, je trouve que c'est assez bien amené ce parcours de cette jeune fille. Je vais rebondir tout de suite sur ce que dit Manu, parce que je suis assez parfaitement d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. J'ai regretté exactement la même chose, c'est-à-dire que le film soit peut-être parfait pour des enfants, je dirais de 6 à 10 ans, avec la forme qu'il a, qui est assez singulière, qui fonctionne très bien, qui doit en effet être bien plus appréciable sur un grand écran, et j'irai même plus loin en parlant d'un travail sur le son et la musique qui offre à l'esthétique générale que choisit le film quelque chose d'au final assez inattendu et qui doit mieux marcher dans une salle de cinéma. Maintenant, comme Manu, je suis absolument d'accord. Le film, pour moi, est vraiment très littéral, très enfantin, sans aucun double sens possible. Et donc, moi, personnellement, en tant qu'adulte, ça me laisse un peu froid. Voilà, je passe vite la parole parce que je ne fais que rebondir sur ce que dit Manu, mais dans l'ensemble. Oui, effectivement. Pareil, je suis d'accord avec mes deux collègues et voilà, effectivement, cette histoire initiatique est assez belle. Je trouve qu'effectivement, il y a une belle énergie qui est insufflée, Lucien l'a dit, par la BO, par le son, par tout ce qui va se mettre en place au niveau des aplats de couleurs, comme Manu le disait, avec des choses... Oui, pardon, je te coupe une seconde, Julien, mais c'était parce que... Déjà ? Je n'ai pas spécifié exactement, mais c'est vrai qu'il y a un travail qui est presque à certains moments naturaliste sur le son et qui crée un décalage, enfin une profondeur par rapport à la forme choisie. Mais vas-y, continue. Je crois qu'à la manière d'un rodéo, j'aurais tenu 17 secondes. non, mais oui, je parlais dans la couleur, ça m'a fait penser un petit peu à de la peinture de l'ordre du fauvisme, et quelque chose de très brut et en même temps de très délicat, de très jeté, et en même temps d'assez subtil dans l'utilisation de ces palettes de couleurs. Et oui, je rejoins ce qui a été dit sur le... J'ai aussi manqué un peu d'empathie, c'est un de mes mots, mais un peu de me sentir concerné par le film. Et effectivement, les scènes de comédie fonctionnent très bien avec le colonel qui est humilié, par exemple. Je crois qu'il est colonel. Le militaire humilié, ça fonctionne bien. Le duo avec son copain un peu plus grand, plus âgé, ça fonctionne bien. Après, oui, voilà, j'ai pas énormément à dire de plus sur ce film qu'on aurait aimé voir dans de meilleures circonstances. Bon, bah oui, je vous rejoins, tout à fait. Mais bon, moi, j'ai absolument pas boudé mon plaisir. J'ai pris vraiment un gros, gros plaisir, moi, à voir ce film. Ça m'a pas gêné le fait qu'en effet, il soit complètement accessible aux enfants, ou ça m'a pas gêné le manque de double lecture. En effet, peut-être qu'on peut manquer d'une double lecture, quoi, qu'il y a un discours assez appuyé, hein, sur les accoutrements, les idées reçues, etc., que je trouve qui est pertinent et assez subtilement amené et mené. C'est un très beau récit initiatique, comme je le disais en introduction. C'est une transformation qui se fait pour des raisons purement pratiques. Ça, je trouve ça très chouette, très bien vu. Je trouve que les personnages sont super bien caractérisés, assez rapidement, qu'en effet, la comédie fonctionne. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce montage avec au moment où elle est attachée à Samson, justement, à son pote, là, attaché avec la chaîne. Il y a tout un montage qui fonctionne extrêmement bien et qui raconte en même temps beaucoup sur son apprentissage des inconvénients du fait d'être attaché à quelqu'un au début et puis qu'ils apprennent progressivement à s'apprivoiser l'un l'autre. Je trouve ça vraiment très très bien fait. En plus, ça finit par un gag quand le gars tombe de cheval et tout. Enfin, quand elle tombe de cheval parce que le gars descend, c'est bien. Et ce que je dirais en plus, c'est que je trouve que le découpage, il est d'une grande fluidité. Et en effet, il y a un beau jeu sur les jeux d'échelle, comme dit Manu. Mais en plus, ce qui est je trouve très très accompli, c'est que donc ce côté en aplat va donner un côté bidimensionnel à l'image, et donc du coup Rémi Chaillet va toujours chercher les perspectives. On peut penser au moment où elle se lave les cheveux et elle va ouvrir les, enfin un moment où elle va essayer de démêler ses cheveux et elle aperçoit un puma en arrière-plan. Tout est construit comme ça par des jeux de profondeur, des axes. Quand il y a la poursuite assez rocambolesque, en effet, quand ils arrivent dans la ville, il y a un moment un gars qui va jeter une poêle sur la caméra. Ça donne d'un coup beaucoup de profondeur à l'image et je trouve que de manière globale, c'est vraiment extrêmement bien découpé en fait. Je suis d'accord avec toi quand tu parles justement sur ce travail. Tu prends l'exemple du puma qui est une très belle scène, notamment avec cette idée en arrière-plan du puma qui arrive avec le moment où elle est en train de se démêler les cheveux. Après, c'est à mon sens là où le ton du film, à mon avis, ne dépasse pas le cadre, entre guillemets, en termes d'intensité d'un film pour enfants. C'est le puma, comme pour la rencontre qu'elle fait avec ce jeune garçon qui se passe au moment où ce jeune garçon est attaqué par un ours, ça reste des moments qui restent relativement anecdotiques et assez peu effrayants. Il y a un degré d'intensité dans ces scènes-là qui reste assez en deçà de ce que je pourrais attendre, qui est un moment où moi, en tant que spectateur adulte, j'irais aussi retrouver un peu plus d'aspérité. Et je pense même pour un enfant, des moments un petit peu plus angoissant ou perturbant, et là je trouve le film a une tendance un petit peu à lisser cet aspect-là. C'est pas ouais. Un reproche sur le film en tant que tel, mais c'est le ressenti que j'ai eu vis-à-vis du film. Je sais pas si c'est vraiment un manque d'aspérité que de relief. Oli parlait d'un film extrêmement fluide, ce qui est très très vrai et ce qui est une qualité en soi, mais le film l'est peut-être un peu trop. Le film à un moment glisse. Et on regarde tout sur un même niveau d'intensité, sans jamais être étonné par rien ou sans jamais être attrapé en fait par rien. Et donc c'est pour moi un très joli film sur lequel on a peu de choses à reprocher concrètement en fait. Mais c'est un film qui manque de quelque chose pour t'attraper toi en tant que spectateur, averti. Et je trouve que c'était pas forcément quelque chose que tu retrouvais dans Tout en haut du monde sur cet aspect-là. Ben oui, vous avez sans doute raison, les gars. En plus, ça me fait penser à justement un des deux points scénaristiques qui, moi, m'ont posé problème. C'est vers la fin du film, il y a une scène dans une mine où Calamity va perdre sa lampe et se perdre dans un boyau. Au moment où elle perd sa lampe et qu'elle se retrouve dans le noir, là, on est vraiment... Enfin, je trouvais, en tout cas, moi, j'étais saisi et j'étais vraiment... avec elle et j'avais vraiment peur pour elle et malheureusement c'est résolu tout de suite et elle se sort de là comme par magie et ça c'était quand même vachement décevant je trouvais personnellement. Donc oui, sans doute vous avez raison que le film manque peut-être d'âpreté ou de dangerosité, que tout se déroule de manière peut-être un peu trop sans heurts, mais voilà, moi en tout cas j'ai pas boudé mon plaisir qui fut grand en voyant ce film quoi. Bien sûr. Enfin, je trouve quand même que après Tout en haut du monde, qui était déjà un bon film, je trouve que c'est déjà, c'est une belle promesse pour la suite de la carrière de ce mec-là. Et en plus, je trouve que l'animation a une certaine naïveté dans les scènes les plus simples, les plus posées. Et autant elle peut être hyper fluide, notamment dans tout ce qui est l'animation des animaux, le chien, etc. Et quand ça s'accélère, l'animation reste assez impressionnante, quoi, je trouve, personnellement. Tout à fait, ouais, non, on le recommandera malgré nos réserves. Merci messieurs, on va passer tout de suite à Possessor de Brandon Cronenberg, changement d'ambiance. Interface is active and we're at full power. Watch your levels this time. You just make sure you pull the trigger on the way out. After initial binding, you'll be locked in. With no loss of control permitted during this performance. We can't afford any mistakes on this one. Good. Very good. Après trois courts et un long métrage, baptisé Antiviral en 2012, Possessor, c'est le nouveau film écrit et réalisé par Brandon Cronenberg, qui aimerait sans doute qu'on ne le réduise pas au rang de fils d'eux, même s'il officie sur le même terrain qu'arpenta jadis son papa, soit celui d'un cinéma fantastique empreint de mutations, d'hybridation entre le corps et la machine, de questionnements sur une humanité indissociable d'un amas de chair et de sang, etc. Enfin, il aimerait bien le Brandon. Donc, coproduction Angleterre-Canada. Possessor a été dévoilé au festival de Sundance avant de se tailler un beau petit chemin dans le circuit des festivals de films fantastiques, remportant plusieurs prix à Sitges ou à Gérardmer, où il a obtenu le grand prix du jury, un jury présidé par Bertrand Bonello. Nous, petits Belges, avons pu découvrir le film via l'édition online du BIFF, le Brussels International Festival of Fantasy Film. Néanmoins, même si le festival il est clos maintenant, vous pouvez quand même voir ce film, si vous en avez envie, notamment sur Amazon Prime, iTunes, et le film est également sorti en DVD Blu-ray chez The Joker's Edition. Alors, le film, ça commence un peu comme la totale de Claude Zidi. Tassia Voss est une tueuse à gages très spéciale, qui cache sa véritable activité à son compagnon Michael et à son jeune fils Ira. Mais Tassia ne flingue pas bêtement des gens comme Thierry Lhermitte ou Arnold Schwarzenegger, non. Grâce à une technologie de pointe, elle emprunte le corps de certaines personnes pour aller zigouiller leurs proches. Un peu comme si vous étiez téléporté dans le corps de Melania Trump pour tuer... Enfin, vous aurez compris. Alors qu'on sent que son activité commence à peser sur sa santé physique et mentale, Tassia accepte une nouvelle mission et se retrouve dans la peau de Colleen, fiancée à la fille d'un chef d'entreprise plein aux as qu'elle va devoir liquider. Mais vous vous en doutez, les choses ne vont pas se dérouler exactement comme prévu. Donc, tourné à Toronto, le film est interprété par Andrea Riseborough et Christopher Abbott dans les rôles principaux. Mais on y retrouve également cette bonne vieille gueule de Sean Bean et cette bonne vieille gueule également de Jennifer Jason Leigh. Que personnellement, je me disais, elle ressemble quand même à Jennifer Jason Leigh, mais il a fallu attendre le générique de fin pour me le confirmer. J'ai à chaque fois pareil. Ben Lucien, tiens, tu commences. Ah ben ça tombe bien. Bah ouais, on est face à un film hyper visuel et qui se veut relativement original sur ce point, mais d'un visuel totalement cosmétique. Rapidement, ça tourne, genre très rapidement, après quelques secondes, minutes, ça tourne à vide. Et il y a clairement moyen de décrocher. Tant pour moi, il est difficile de comprendre où le fiston Brandon Fly Cronenberg veut en venir. Un peu comme dans Antiviral, son précédent film, et un peu comme dans le cinéma de papa, il a repris tout l'univers visuel de son père, poussé tous les curseurs à fond, mais c'est comme s'il avait laissé toute la substance de celle-ci en route pour en faire de simples hype gimmick, on va dire. C'est particulièrement ennuyeux, c'est particulièrement vain, c'est dommage parce que le film a des fulgurances d'originalité, que l'intrigue qu'elle instigue et la thématique du personnage qui se perd elle-même dans la conscience des autres sont des idées plutôt engageantes, mais ça ne va jamais plus loin que la pure évocation graphique. Et puis surtout, c'est parce que c'est extrêmement mal raconté. Exactement. C'est un film qui est catastrophique dans sa narration. Je veux dire, tu parles de ça, il y a des fulgurances visuelles, mais qui sont complètement déconnectées au final du récit parce que on s'engouffre vraiment dans des... Le film s'appelle Possesseur, mais pour moi, c'est un film qui n'est pas du tout habité. C'est vraiment un film de mort-vivant. Et tu blaguais sur le fait que tu avais peiné à reconnaître Jennifer Jason Leigh, mais moi, je trouve que c'est triste. T'as l'impression qu'elle est morte à l'écran, quoi. Je veux dire, si tu te dis que Brandon Cronenberg convoque Jennifer Jason Leigh uniquement pour une sorte de réminiscence de ce qu'elle a été dans l'existence de Cronenberg, c'est hyper triste. Je veux dire que Jennifer Jason Leigh, on l'a vu quand même il y a pas si longtemps chez Tarantino, elle avait encore quelque chose à défendre. Là, c'est d'une tristesse sans nom. Et je trouve que c'est au-delà de l'aspect physique, c'est juste elle a pour moi rien à jouer, comme Andrea Riseborough, qui est une super actrice, mais pour le coup, au bout de 10-15 minutes, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle joue? Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Pourquoi elle cache certaines choses à son équipe? C'est pas du tout clair. Le film est foireux dans sa narration et te perd complètement dans ça. Et en plus, quand il réfléchit au fur et à mesure, c'est bourré d'incohérences. Ça ne va pas. C'est le concept qu'a moqué Olivier au départ. Mais au final, moi, c'est un concept de série B que je suis preneur. Mais faut le tenir. Faut pas prendre la pause constamment. Et ce film qui aurait pu me séduire par son postulat de série B, en fait, ne le tient pas du tout sur la longueur et je ne sais même pas du tout ce qu'il raconte au final. Oui, et effectivement, en plus de ce qui est dit, et je vous rejoins sur le manque de clarté, et un film qui, malgré son pitch, qui moi aussi aurait pu m'intéresser et qui a des ambitions formelles, on l'a dit, mais en plus de tout ça, on a parfois des scènes qui valent un peu les feux de l'amour en science-fiction, avec effectivement des scènes avec l'amante, la femme, la maîtresse, et en même temps, là, on prend de la coke dans le fauteuil, etc. Enfin, les feux de l'amour, t'es gentil, hein, on dirait aussi simplement une pub pour Rick Owens, quoi. Le film aurait pu durer 30 minutes de moins, tranquillement, sans que... Enfin, j'allais dire sans qu'il perde de son contenu, mais plutôt, justement, il aurait, à mon avis, gagné en cohérence. Je trouve que, on en parlera à mon avis sur le film d'après, mais et en plus de ça, je trouve qu'il y a un problème de violence avec une certaine complaisance à filmer cette violence, à s'appesantir longtemps avec des longs plans sur le quelqu'un qui se fait tuer, où on voit les dents éclater, où on voit l'œil gicler, des choses très très très longues. Sans forcément que ce soit justifié par. Je reprends une scène à laquelle tu fais allusion, je pense, qui est vraiment purement un clin d'œil, un peu de petit malin, qui est faux spectateur. On allait chercher Sean Bean, qui est très connu. Enfin, c'est devenu un mème sur Internet pour mourir à chaque fois et essayer de le tuer, mais plus que d'habitude, quoi. Enfin, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Ouais, si on va avec, le déglinguer à l'écran. Avec le postulat, on va spoiler, qu'en fait, le mec ne meurt pas. Exactement. Donc tu te dis, mais ça devient même inversé, quoi. C'est assez problématique. Et moi, en fait, cette idée en fait, de gros trou noir qu'installe le récit dans ses articulations fait qu'au bout d'un certain temps, le plaisir que j'aurais pu avoir du postulat de base, je finis par le remettre en question en me disant ce postulat de base est déjà de base crétin. Parce que tu te dis, en fait, le fait d'investir d'un corps pour aller en tuer un autre dans une soirée où tout le monde est là n'a plus de sens, puisqu'en fait, elle ne va pas dans la soirée, elle va les tuer sans aucune audience, etc. Donc, il n'y a aucune utilité à faire ça de ce point de vue-là. Il faut lire et écouter Brandon Cronenberg. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil. J'ai lu des très courtes interviews de lui autour du film. Tu sens que le mec, il en a juste rien à foutre de ce qu'il raconte. Enfin, je veux dire, il évoque des trucs, mais vraiment, tu te dis, le mec... Concrètement, il a envie de se faire plaisir. Enfin, vraiment, c'est ça qui ressort. Hein. Et pur cosmétique, c'est de la pub et rien d'autre. Quoi. Enfin, je veux dire. C'est vrai que c'est déceptif parce que, comme tu le dis, Manu, on a une première altercation qui se passe dans cette fête avec beaucoup de monde qui promet quelque chose d'assez savoureux, d'assez croquant. Et finalement, on n'en fait rien vu que qu'on finit par le faire dans une cuisine désertée de tout le monde. Donc effectivement, le postulat de base ne sert plus à rien. À quoi ça sert de prendre l'identité d'un autre pour commettre le meurtre, puisque de toute façon, on le fait isolé. Et en plus, point de vue du spectateur, c'est assez déceptif. C'est jamais expliqué, ce truc-là. C'est jamais expliqué. Mais d'où sortent ces gens? Enfin, tout ça, c'est juste du... Voilà, c'est concept, les gars. On y croit et on laisse tomber le reste. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Allez, Olivier, tu vas nous parler des petits daddy issues de Brandon, c'est ça? Ouais, mais vous êtes super dur avec ce film. Non, moi aussi, je vous rejoins. En effet, c'est super faible, c'est très mal raconté. On n'en a rien à foutre au bout de 2 secondes. Ça s'effondre très très vite. En effet, moi, le postulat de base, pourquoi pas, je suis comme vous. Hein. Mais très vite, elle doit être le conjoint de quelqu'un. Mais c'est impossible. Et tout de suite, la fille de ce chef d'entreprise qui est jouée par Sean Bean sent qu'il y a un truc bizarre, mais forcément, enfin, je veux dire, ça tient pas debout 2 secondes, ça pourrait pas exister. Enfin, d'autre façon, ça ne pourrait pas exister, mais bon, ça tient pas debout. En plus, la manière dont elle s'entraîne juste avant, elle te montre une scène où elle s'entraîne, mais qui, c'est genre, en 2 secondes, tu vas répéter, tu vas choper le timbre de voix de quelqu'un, mais bon, bref, c'est stupide. Je sais pas, mais. Il y a un échec, enfin, on essaye d'épater le bourgeois avec des références à des vibromasseurs, on prend de la coke, on montre une espèce de créature transgenre, enfin, C'est, ou alors une espèce de film porno dans un truc où genre le mec c'est censé être un boss super important de l'IA, il est à la pointe sur l'intelligence artificielle et tout, il y a encore des mecs qui bossent dans le sous-sol de son usine à essayer de reconnaître des rideaux, c'est complètement ridicule dans des films porno, c'est complètement ridicule ce truc là. Et genre non mais là c'est un aspect caractéristique du film, c'est que tu ne crois pas du tout à l'univers qui t'est amené, quoi, en fait. Non, mais c'est presque un tour de force avec la manière dont le truc ne prend mais jamais. C'est-à-dire que la scène d'ouverture, enfin vraiment, tu vois un truc, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe? OK, j'ai compris ce qui se passe. OK, j'en ai rien à foutre. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. C'est vraiment ça qui se passe. C'est assez dingue. Non, mais en fait, c'est pas... Ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas vrai, parce que la scène d'ouverture, pourquoi pas, tu vois? Mais bon, en tout cas, on peut. Enfin, moi, en tout cas, j'achète la scène d'ouverture. Bref, on s'en fout. Et après, elle parle avec Jennifer Jason Leigh. Et puis, elle lui dit oui, je vais rejoindre Michael. Et puis, Jennifer Jason Leigh la regarde. Puis, elle lui dit mais vous n'êtes plus avec Michael. Et tout de suite après, boum, elle retourne justement dans sa famille. Et tu te dis mais c'est quoi ce truc? Enfin, bon, bref, il y a déjà plein de trucs qui sont mal racontés. Et puis, alors, il y a le recours à des espèces de plans, genre à la colorimétrie à fond, super shaky et tout, comme des espèces de rustines scénaristiques où sans doute que Brandon Cronenberg se dit qu'on comblera nous-mêmes les trous de son scénario. Et puis voilà, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'accumuler de la violence graphique et du sexe, qui est en fait finalement un vice du cinéma d'exploitation, quoi, et dans lequel a débuté son papa. Mais alors, il met de la cosmétique là-dessus avec une espèce de spleen urbain 3.0. Mais alors, en fait, c'est un film clairement Z qui est drapé sous une espèce de halo arty. C'est énervant. Et il fait... Il joue des jeux de symétrie, de reflets, une esthétique glacée qu'on a vu mille fois. Et alors... il sait pas raconter avec sa caméra, quoi. Il fait tout le temps des espèces de super fortes contre-plongées juste pour filmer le plafond et mettre le personnage dans une espèce de truc symétrique. Et c'est con, c'est moche, ça sert à rien. Mais en fait, ouais, c'est ça. Ce qui est énervant, c'est en plus qu'on sait que il va y avoir un public pour ça. Enfin, le mec va jouir d'une certaine hype, mais ce que tu viens de dire là à l'instant sur la manière dont il filme ces objets, je vais dire, c'est assez intéressant. Moi, j'ai à plusieurs moments pensé à la série Mr. Robot ou à Drive de Refn. J'ai pas mal pensé à Refn dans les côtés que j'aime le moins. Il se trouve que j'aime plutôt Drive, ça serait plutôt le Refn de Only God Forgives ou ce genre de choses. On est d'accord, mais j'ai beaucoup pensé à Refn sur ces deux films que tu viens de citer. Mais par rapport à Mr. Robot ou à Drive, qui sont deux films et séries que j'apprécie plutôt, c'est dans son rapport, je vais dire, à la fragmentation du cadre que le film utilise beaucoup. Dans les deux cas précités, donc dans Mr. Robot et Drive, le montage, le découpage et le temps passé à poser l'univers et les personnages, etc., permettent d'éviter en fait tout ce côté choc et chic qui ne sert absolument à rien chez Brandon Fly, comme j'aime bien l'appeler désormais. C'est la caricature vraiment d'un cinéma d'horreur un peu branchouille, comme on peut en voir assez régulièrement année après année. Mais de plus en plus. C'est un peu tristou qu'on mette autant à l'honneur ce type de cinéma-là qui en fait se revendique du genre mais n'arrive même pas à en dépasser les codes ou les investir ou quoi que ce soit, et en fait ne propose qu'un truc digne de figurer dans une allée d'un musée d'art contemporain et pas du tout dans une salle de cinéma, quoi. Ouais, et encore, franchement. Encore. Bref. On va s'arrêter là sur le film et je vous propose que nous passions à un autre genre de morceau qui s'appelle The Nightingale. I'll sell my rock, I'll sell my wheel, sell my only spinning wheel. You know what it's like to have a white fella take everything you have, don't you? To buy my love a sword of steel. What's your name again? Claire. I'm not your boy. I'm Mangana, the blackbird. I wish in vain. You white ones go fast, fast, fast. get nowhere. I go slow. I wish I had my love again. The little bird thought she was going to die out there in the forest. Suddenly, she was free. Malgré un prix spécial du jury à Venise en 2018, accordé par un jury présidé par Guillermo del Toro, doublé d'un prix Mastroianni du meilleur espoir pour le jeune comédien Baykali Gadambar, The Nightingale, deuxième film de la scénariste et réalisatrice australienne Jennifer Kent après The Babadook, en 2014, n'a pourtant guère trouvé de distributeur dans nos contrées. Peut-être tout bonnement car il est très difficilement sortable, trop arty pour les multiplex, trop hardcore et genré pour les réseaux ARS. L'œuvre de Jennifer Kent se taille pourtant une réputation d'expérience cinématographique viscérale et sulfureuse depuis de longs mois. Auréolé de cette réputation, il arrive maintenant en Blu-ray et DVD chez Condor Film et en VOD, il est disponible sur Amazon Prime notamment. Alors qu'il aurait pu s'appeler au temps béni du Commonwealth, le film emprunte son titre, le Rossignol donc, au surnom de son héroïne, Claire Carroll. Nous sommes en 1825 en Tasmanie, c'est donc une île au sud-est de l'Australie. À l'époque, l'île est colonisée par les troupes anglaises qui ont transporté des bagnards. Claire est donc une bagnarde d'origine irlandaise, elle parle en gaélique d'ailleurs, qui est appréciée pour ses dons de chanteuse et à qui le lieutenant Hawkins a accordé une hutte, le droit de se marier et de commencer une famille. Après 6 ans de travaux et de faveurs, on l'imagine, au lieutenant, Claire rappelle que sa liberté doit lui être rendue. Hawkins refuse et ce différend va tourner très, mais alors très, très mal. Lors du reste du film, notre héroïne très, mais alors très, très énervée, décide de se venger et s'adjoint les services du guide aborigène Billy pour se lancer à la recherche d'Hawkins et de ses hommes, partis à pied dans la nature sauvage pour rejoindre la ville de Launceston. Alors, Claire est interprétée par Aisling Franciosi, vu dans Game of Thrones ou dans Jimmy's Hall de Ken Loach. Hawkins est interprété par Sam Claflin, vu lui dans la série des films Hunger Games. Et c'est donc le nouveau venu Baykali Gadambar qui interprète le guide Billy. La photographie du film, dans un format très peu rectangulaire, je pense que ça doit être du 1,66, est signée du polonais Radek Laczuk, qui avait déjà travaillé sur Mr. Babadook. Alors, nous avons décider un format un peu spécial pour ce film, on va faire en deux temps. Donc on va commencer très vite par un tour de parole où chacun va dire rapidement son avis, sans spoiler, et puis nous parlerons ensuite librement du film en full spoilers. Donc en une phrase, qui a décidé qui de commencer ? C'est Julien Rombaud. Julien Rombaud en une phrase. Pendant une heure, un film âpre et puissant, avec des scènes très fortes, et pour la suite, une accumulation de violence qui finit par lasser, voire à frôler la complaisance. Manu ? Un mot, électrochoc. Lucien ? Pour moi, le génie du film, c'est d'arriver à être à la fois insoutenable, ignoble et effroyablement chiant, mais je terminerai par citer une phrase que je viens d'entendre dans la bande-annonce, qui est « You don't want trouble, but sometimes troubles want you ». Ok, et je finirai en disant que c'est un film âpre, désagréable, mal aimable, mais cathartique, émouvant, passionnant. C'est vraiment un film que je regrette de ne pas avoir vu en salle, car si l'expérience immersive eût été au rendez-vous, je crois que j'aurais pleuré et à plusieurs moments. Et maintenant, un petit interlude musical. What did you think of the season finale of Game of Thrones? Right? Oh, no. I'm reading the books. Oh, sorry. And he reads slow. Hey. We could never talk about you it. You're in trouble. We're never going to talk about that's it. Good. Okay. No, you're right. Hey, has anybody seen that new Russell Crowe thriller? Because let me tell you. Sorry, it's just we're going tomorrow and I don't want to know a thing about it. Bon, et donc Julien, vas-y maintenant, développe full spoilers, lance les hostilités. Bon, je ne sais pas si je vais beaucoup spoiler, mais oui, en effet, on a pour moi un film, bon, on l'a dit, viscéral, sulfureux, très fort, où dès le début, tout concourt à l'oppression de son personnage principal. L'atmosphère est poisseuse, elle est boueuse. Le regard des soldats sur cette femme qui est vraiment vue comme un morceau de viande, tout est malsain, et tout concourt à l'oppression, comme je le disais, jusqu'au format du film dont tu as parlé, avec un cadre très serré qui renforce encore ce sentiment anxiogène et ce sentiment que quelque chose de grave va arriver, et ce qui arrive, et puisqu'on peut spoiler avec plusieurs viols et un infanticide. Alors, bon, puisque je crois que ça va être notamment au cœur du débat, je trouve que le film est cru, bien sûr, mais je ne dirais pas que la violence justement est complaisante, et en tout cas sûrement pas dans la première moitié du film, parce que si les scènes sont abjectes, on l'a dit, difficilement regardables, assez insupportables, je trouve que la mise en scène n'est jamais ostentatoire, qu'elle n'est pas dans une complaisance. On en a parlé avec Possessor, je trouve qu'il y a plus de plaisir à voir chez Cronenberg à jouer avec cette violence, complaisante, que ici où elle est vraiment au service du récit. Et je trouve que voilà, il y a quelque chose de très viscéral, de très cruel, et jamais sans exagération. Le problème, selon moi, c'est que il y a une accumulation de scènes, et non seulement elles s'accumulent, mais en plus elles sont souvent longues, et l'ensemble fait que dans ce déchaînement de violence, petit à petit, je trouve qu'on arrive à être agacé, à sortir. D'autant plus que le dernier tiers du film patauge un peu, je trouve qu'il perd son rythme, et je trouve que du coup les scènes violentes qui sont nombreuses et deviennent un peu absurdes, deviennent un peu ennuyeuses et détestables, parce que on a un trop plein de choses, parce que on a une violence qui n'en finit plus. On a notamment la mort d'un des soldats qui a concouru à l'agression de cette fille, qui meurt aussi là encore avec une longue scène, beaucoup de gros plans sur sa tête en train de se faire défoncer. Enfin, bref, il y a une longueur dans ces scènes qui, si elle est forte, et si je suis très heureux de voir des films comme ça qui puissent exister et qu'on puisse encore avoir des expériences immersives, finit quand même par lasser, et la violence se fait absurde au bout d'un moment. Moi, j'ai eu un trop plein. Maintenant, je dis pas que c'est une mauvaise idée, parce que bon, quand j'entends Manu dire électrochoc, effectivement, je préfère 100 fois avoir des films comme ça que des films dénués de substance et sans aspérité. Mais juste, je t'interromps 30 secondes, je te prends la parole 30 secondes, mais est-ce que tu penses pas justement que cet aspect-là, ce rapport à la violence, que où tu sens une forme de répétition qui s'émousse à ton sens au fil du récit, fait pas partie prenante du projet du film ? Si, mais je crois que par le rythme, dans la dernière moitié patauge, et peine à trouver vraiment sa fluidité, qui est pourtant présente au début, je trouve qu'elle perd en force. Et ce qui m'a étonné, mais alors là, c'est vraiment une question que je vous pose, c'est que finalement, je n'ai pas tant d'empathie pour le personnage féminin, alors que au début, on est révolté, qu'on a aussi envie d'être dans cette vengeance, ou en tout cas, si on n'est pas nazi, qu'on a quand même envie qu'il se passe quelque chose et qu'elle réagisse. Mais je trouve qu'on manque d'empathie avec elle. Je ne sais pas pourquoi, par exemple. J'ai réfléchi, j'arrive pas à savoir. Je pense que le film paye aussi, en effet, qu'on n'ait pas pu le voir en salle. C'est un film que, même si, comme je viens de le dire, j'ai peu aimé le film, c'est un film que j'aurais voulu voir en salle, évidemment. Et que, en fait, il y a un réflexe, presque, de spectateur à un moment, et qui marche au début, et puis sur le long terme, sur le long terme, tout au long du film, à un moment, tu prends de la distance parce que c'est compliqué de faire autrement. Et malgré le fait que la mise en scène du film même essaye en permanence de t'impliquer là-dedans. Mais à mon sens, je suis pas vraiment d'accord, parce qu'il y a clairement une bascule à un moment narratif du récit, puisque là, on spoile complètement, puisque tu as ce récit qui s'installe comme un récit de vengeance très dirigé de la part du personnage, du fait de l'exaction qui a été commise, donc qui est sans équivoque sur ce qui s'est passé, qui drive le récit de manière très claire. Et il y a un moment, une bascule qui s'opère au milieu du récit, et c'est là où je trouve que justement le film est hyper intelligent dans sa manière d'aborder le genre, qui est le genre du rape and revenge, qui est toujours un genre, généralement, quand il est bien fait, quand il n'est pas fait par des tocards, et généralement un genre assez déceptif. Parce que il n'y a rien qui se résout dans ça. Et donc, on finit plus brûlé que sauvé, entre guillemets. Il n'y a pas de salut dans cet acte-là. Et je trouve que là où elle renouvelle la chose, Jennifer Kent, et où elle est très habile dans ça, même si elle se défend, a priori, dans les interviews que j'ai pu voir, d'avoir fait un Rape and Revenge, d'avoir fait un film de vengeance, ce qui, à mon sens, qui est clairement le cas du film, c'est comment, de ce cas singulier, qui est cet acte qui est commis envers cette jeune fille, elle va étendre ça à l'histoire du pays et comment elle va faire dialoguer à la fois Billy et Claire sur l'ambivalence entre guillemets de ce qui lui est arrivé et à quel point ça représente une goutte d'eau par rapport à ce qu'est l'ampleur de l'histoire du massacre du peuple aborigène. Donc voilà, je trouve qu'à ce niveau-là, le film est d'une intelligence, et en plus il le fait pas de manière sentencieuse, il le fait avec les codes du cinéma de genre. Là où pour le coup on parlait d'un cinéma de genre qui tournait à vide chez Cronenberg, là c'est un cinéma de genre qui est vraiment investi dans ce que, en fait, quand il est bien fait, ce cinéma-là doit véhiculer. Et c'est suffisamment rare. Il y a tellement de films qui essayent de bêtement appliquer des codes sans en comprendre l'essence. Ça ne peut pas être plaisant. Et pour le coup, elle y met la distance et elle tient ce récit tout du long, moi, je trouve. Mais c'est là que, quand je t'entends parler, Manu, je me dis que l'échange va être intéressant, parce qu'en fait, je suis parfaitement d'accord avec toi, sauf que j'adopte le point de vue opposé. C'est-à-dire que je vois exactement la même chose que toi, sauf que moi, ça ne me plaît pas, simplement. C'est-à-dire que oui, elle tente de réinventer de sous-genre du rape and revenge, qui est souvent... Je pense pas qu'elle tente de le réinventer, elle le réinvestit. C'est très différent. C'est pas un truc de. C'est pas un truc de petit malin qui se croit au-dessus. Elle se croit pas au-dessus du genre, je pense. Hein. Je pense pas. En tout cas, c'est ce qu'elle dit clairement en interview. Mais ça, le rape and revenge est souvent plus cartoonesque et crapoteux qu'autre chose. Ce qui peut le rendre fun, en fait, mais souvent douteux. Le problème ici, pour moi, dans ce cas-ci, c'est qu'elle part tellement dans toutes les directions que ça devient nettement plus problématique. Et en fait, pour moi, la mise en parallèle des luttes féministes, raciales et d'autres minorités, parce que ça va plus loin que juste ce que tu disais brièvement au début, la métaphore de cette violence systémique me semble manquer, au minimum, de discernement. C'est-à-dire qu'à un moment... Alors après, on rentre dans un débat qui est purement philosophique. On peut questionner l'intérêt de la radicalité d'un discours engagé. Après, moi, je suis certain que mon intérêt il se situe ailleurs. Il se situe plutôt dans une finesse que je ne retrouve jamais dans le film. Le discours qui émerge du film, il émerge par les actes et par le parcours du personnage. C'est pas quelque chose qui est apposé au film. Et c'est pas un film qui, à mon sens, comme tu voudrais tu le laisses entendre, s'éparpille dans plein de directions. Pour moi, il est assez clair dans sa direction et dans le chemin qu'il emprunte. Et il est pas aussi schématique, à mon sens, qu'on pourrait le penser. Ah, pour moi, les antagonistes de Claire sont au final plus nuancés que tu peux le trouver dans d'autres films du même genre, à mon sens. Le film est plus ambivalent sur ça. Je suis pas sûr, effectivement, Lucien, que le film manque de finesse. Je pense que oui, il est parfois au bulldozer dans sa crudité, dans sa cruauté. Mais par contre, je trouve que l'écriture a quand même, justement, dans comment elle imbrique effectivement le destin de Claire. Enfin, Claire, et en plus le destin de Billy et de tout le sort des aborigènes, justement, elle a quand même une ampleur assez intéressante. Et justement, le personnage de Billy, je rejoins Manu, représentatif de toute cette barbarie des blancs, des colons blancs qui à la base en Australie en plus étaient des bagnards envoyés, etc. C'est quand même très fort, et je trouve que ramener ça à la fin avec ces deux phrases quand il dit "This is my country, this is my home." Après avoir subi... C'est une horreur, ça. Je suis désolé, c'est une horreur. Ben, justement, ouais, c'est une horreur, parce que par où on en est passé, c'est une horreur, mais je trouve que... Non, c'est une horreur cinématographiquement parlant, quoi. Non, mais pourquoi une horreur cinématographiquement? Non, mais déjà, pour revenir sur ce que vous disiez juste avant, pour moi, le simple fait de mettre ça en parallèle, c'est couper au couteau vraiment toute la finesse du truc, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Qui sont extrêmement complexes, chacune d'elles, mais qui ne sont pas les mêmes. Et le film les traite en parallèle en permanence, ce qui pour moi me pose vraiment déjà un problème de base. Mais par-dessus tout, le discours qu'on va appeler le discours final, mais le discours, je veux dire, la dernière confrontation, pour moi, ça finit par agglutiner tout ça dans un pensum qui, en fait, sait plus exactement ce qu'il doit penser. Pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas traiter un sujet, même si c'est un sujet particulier qu'on traite peu, d'autant, parce que je termine ce que je disais, je pense pas qu'à priori, au cinéma, tu n'es pas le droit de faire certaines choses, mais ça, c'est... J'ai pas dit que c'était une question de droit, quelque chose sur lequel je serais en désaccord profond vis-à-vis de toi. Je pense qu'il y a de facto quelque chose qui te soit pas possible. On est dans la sémantique pure, mais... Ben oui, mais c'est de la sémantique, tu te dis qu'on ne peut pas apposer ces deux types de narration avant même que la proposition soit faite. Tu la condamnes de facto en tant que discours et dispositif. Pardon si je m'exprime mal, c'est pas le fait même que ce soit fait qui me dérange, c'est juste ce qui en ressort sur moi, c'est-à-dire quelque chose d'assez brouillon à mon sens concrètement d'un point de vue purement thématique. Je termine juste sur ce que je disais parce que sinon je vais oublier, mais sur cette scène de confrontation finale dont je parlais, t'en as bien parlé au début. C'est quelque chose qui ne peut pas être fondamentalement jouissif, qui ne peut pas être un accomplissement en soi et donc qui est systématiquement déceptif. Mais en fait, le problème pour moi ici, c'est que cette scène, c'est la raison pour laquelle la protagoniste, comme le spectateur, a tenu jusque-là, en fait. Et pour moi, en dehors du fait qu'elle ne puisse pas être jouissive d'un point de vue, émotionnel, voilà, c'est comme ça, comme tu dis, on est face à une impasse. Le problème pour moi, c'est qu'elle n'aboutit à rien. Enfin, elle aboutit à un bordel, je veux dire, au niveau... je vais reprendre ce mot qui est dégueulasse, mais au niveau thématique. Moi, je suis absolument pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que je trouve qu'au contraire, que c'est extrêmement satisfaisant d'un point de vue scénaristique et en tant que spectateur, cette scène de confrontation finale, parce que justement, enfin, tous les personnages sont des opprimés d'une manière ou d'une autre. Ils subissent l'oppression de quelqu'un ou de quelque chose, d'une caste ou d'une autre division ou quoi que ce soit, les méchants y compris, hein. Bon, très clairement, il y a un parallèle qui est dressé, notamment sur la base du dialecte entre Billy et Claire. Mais justement, c'est ça qui est super. Enfin, moi, c'est ça que j'ai adoré dans le film, c'est que, enfin, une des choses que j'ai adoré dans le film, c'est que à partir du moment où Claire s'est confrontée à la violence en tuant un type, et c'était long, et ça faisait mal, et on a bien vu que ça faisait mal, et on a bien vu que c'était long, et elle se rend compte qu'elle n'est pas guérie, qu'elle a toujours ses visions, qu'elle a toujours mal au sein, eh bien, que ça n'a rien changé, eh bien, elle s'efface, elle minore sa douleur par rapport à celle de Billy. Et leurs destins ne sont pas les mêmes. Donc, il n'y a pas vraiment une comparaison des deux. C'est juste qu'elle va minorer sa douleur. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais tu dis qu'ils ont des parcours totalement différents. Ils ont quand même un parcours qui se suit très fort. Pas totalement différent. Je dis juste qu'à un moment, leurs parcours sont similaires, mais à un moment, elle s'efface par rapport à ce que lui va symboliser. D'ailleurs, à la fin, t'as une résurrection et une extinction. Cette fin, elle fonctionne assez bien et assez jolie, je suis d'accord. Et tout fonctionne bien dans ce film, Lucien. Tu disais le contraire il y a 5 minutes, Lucien. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu disais que la scène de confrontation fonctionnait pas, alors que moi je trouve qu'elle fonctionne parce que justement elle est plus dans ce rapport de. La toute fin. Avant ça, tu parlais de la scène de confrontation entre Claire qui va retrouver le lieutenant et qui lui fait un discours dont d'ailleurs, j'ai pas encore saisi. J'ai vu que le film qu'une seule fois exactement la teneur de ses mots, mais l'important c'est la manière dont elle se tient et qu'elle lui dit la femme à laquelle tu as fait du mal, elle est morte dans cette forêt en te pourchassant et maintenant de toute façon toi tu continues à vivre avec toute ta saloperie larvée et toute ta frustration et moi je m'en fous parce que je suis une résurrection. En tant que spectateur dans ce type de film là, je trouve ça hyper satisfaisant quoi. T'as vu ça où? C'est totalement inédit. En termes de pure expérience de spectateur, c'est totalement inédit. C'est pas quelque chose que tu as vu auparavant. Quand je parlais de réinvestir des codes et de réinvestir des archétypes, elle le fait pleinement, jusque dans cette confrontation finale qui ne ressemble à aucune confrontation que tu peux avoir dans ce type de récit-là. Julien ? En fait, je trouve que toutes les scènes de la deuxième moitié de film sont fortes, mais je trouve qu'elles perdent un peu en teneur par l'accumulation des choses. Cette scène dans le bar avec la confrontation... indépendamment, prise toute seule, je la trouve magnifique. Le plan quand elle tombe, qu'elle sort de l'embrasement de la porte, qu'elle se laisse tomber après tout, après avoir enfin dit les mots à son oppresseur, je trouve ça magnifique. Mais je trouve ce moment-là est très beau aussi. Le problème, moi, ce qui me gêne, c'est le discours qu'il y a juste avant. Enfin, c'est le monologue qu'il y a juste avant. Le monologue dans le bar. Ouais. Mais peut-être Lucien disait ça. Il finit par s'écarter du film parce que peut-être qu'on est obligé de détourner les yeux ou qu'on est obligé de s'extirper un peu de cette violence. Je crois que c'est ça qui est à l'œuvre. Non, c'est thématique. C'est Lucien. Ce qui embête Lucien, c'est thématique. Non, pas que, parce que j'ai aussi plein de trucs à dire sur la forme. Mais d'ailleurs, c'est ça que je trouve que, parce que vous ne m'avez pas laissé terminer ce que je disais, mais dans cet échange qu'a la protagoniste avec Billy, en fait, il y a un moment où, enfin, concrètement, on est sur un champ contre champ qui est en quasi face caméra. Et en fait, moi, ça m'a rappelé un truc qui m'avait gêné dans Joker. C'est-à-dire que par le rapprochement qu'elle fait entre le personnage de Billy et sa protagoniste tout au long du film, cette mise en face directe entre le spectateur et ce qui se passe à l'écran et ce que disent les personnages, je vois un discours qui ne prend plus de distance entre ce que te raconte la metteur en scène et ce que te racontent les personnages. C'est-à-dire que je vois directement la personne qui a écrit ce texte qui me dit ça à moi en me regardant dans les yeux. Et ce discours, pour moi, il est quand même problématique. Mais ouais, attends, combien de films utilisent ce type de procédé ? Parce qu'en termes d'écriture, ce qui amène ce personnage jusque-là, par rapport à ce que le Joker, le film dont on a parlé, c'est quand même... J'ai beaucoup plus de sympathie pour ce film-là que pour le Joker. C'est effacer les deux heures qui sont passées auparavant. On n'est pas du tout dans le rapport de victimisation qu'il y a dans The Joker. On est parfaitement d'accord, On est dans un parcours qui n'a rien à voir. Donc je ne comprends même pas la comparaison. Je peux comprendre le fait que tu n'apprécies pas ce trope de cinéma. S'adresser au spectateur de cette manière-là, mais c'est quelque chose qui n'est pas propre à ce film-là et qui... Non, bien sûr. Parce que The Joker est vraiment un film détestable. Là, je suis désolé, mais ça joue pas dans la même catégorie. On parle de cinéma. Là, on parlait pas vraiment de cinéma quand on parlait de Joker, quoi. Je prends deux exemples simplement qui sont récents, qu'on a évoqués en parlant de ce même plan dans cette émission. C'est pour cette raison-là, j'ai aucun problème avec ce trope de cinéma, comme tu dis, en général. J'ai un problème avec ce trope de cinéma quand ce qui m'est raconté à travers ce trope de cinéma me gêne. C'est juste ça que je veux dire. Mais le problème, c'est entre guillemets, ce qu'elle dit. C'est l'aboutissement et l'accomplissement de ce personnage-là, donc c'est totalement incohérent. Donc, ouais, sauf qu'elle te le dit à toi directement, c'est bien ça le problème, parce qu'on pourrait dire alors la même chose de n'importe quel film, entre autres de Joker. Mais ça arrive souvent quand le personnage, le discours d'un personnage résonne comme une adresse au spectateur. C'est un problème quand c'est apposé au-dessus du film. Là, ça découle de tout le parcours du personnage. Ah, moi, j'aurais pas de problème si la même scène est amenée d'abord pour moi avec un détachement entre ces deux discours, entre ces deux trajectoires, pardon, et avec un champ contre champ qui n'est pas quasi littéralement un face cam contre un face cam. C'est ça qui me pose problème. On est purement dans l'interprétation formelle, on est d'accord, hein, mais c'est ça qui me gêne, moi, dans cette scène-là. D'autant plus, et je reviens là-dessus, que, et vous me dites le contraire, tant mieux. Peut-être que j'ai pas bien vu le film, j'en sais rien. Mais n'empêche que pour moi, ces deux personnages, leur trajectoire, elle est quand même intimement liée. Et à ce moment-là, elle l'est toujours. À ce moment-là, elle l'est toujours. Et d'ailleurs, ils en discutent. Ils sont en train de partager leur douleur. Et c'est à ce moment-là que, en gros, t'as un personnage qui te dit, à ce moment-là, on les tue, quoi. Ouais, moi je vois pas trop où est le problème. Enfin, si je comprends ce que tu dis, Lucien, mais moi je sais pas, je dois être un nazi, mais j'ai pas trop de problèmes parce que j'ai pas l'impression que moi personnellement je suis un pro peine de mort. Enfin, et en même temps je comprends la douleur de Billy. Je comprends que dans sa tribu peut-être qu'on faisait ça. Enfin, tu vois, moi ça me pose pas de soucis. Et puis que ça se joue pas à la même échelle. On en parlait encore. Ça se joue pas à la même échelle. Donc voilà. Ça se joue pas à une échelle individuelle, en fait. Mais moi, ce qui me gêne dans l'accumulation dont je parle depuis le début, c'est aussi que, puisqu'on est en full spoil, c'est aussi que, à un moment donné, tous les personnages sont tellement nihilistes, horribles, dégueulasses, qu'il y a pratiquement aucun espoir, si ce n'est Billy, et si ce n'est, oui, ce pauvre vieil homme qui est plutôt humaniste, mais qui en même temps est complètement misogyne avec sa femme. Bon, question d'époque, ok, pourquoi pas, mais c'est que, on en vient à un déchaînement de violence qui quand je disais qu'il devient absurde, où on tue des gamins qui n'ont absolument rien à se reprocher, pratiquement, où on tue des aborigènes par groupe, juste parce que en fait ils parlent pendant 20 secondes, et j'ai l'impression que c'est là que ça devient un peu... Je suis assez d'accord, moi, sur la mort. Alors, je suis pas d'accord sur tout ce que tu viens de dire, mais sur la mort du gamin, moi aussi, je me suis dit, OK, what the fuck, quoi. Vraiment, il y a un moment, le méchant est tout à fait unilatéralement ignoble, pourquoi pas, mais il y a un moment où c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin... Je trouve que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, tu vois. Par exemple, moi, un film sur lequel... C'est la vision qu'elle a de entre guillemets, de l'esclavage à l'échelle de l'Australie, elle est assez proche de celle de Fleischer dans Mandingo. Je veux dire, dans ce rapport de propriété, et qui fait que, en fait, effectivement, ça n'a aucune conséquence. Et donc, tu tues avec ce degré de détachement, en fait. Mais quand je disais que tout était pourri, c'est que c'est même pas que ce personnage-là, Manu. C'est aussi tous les colons blancs en quelque sorte, parce que ce groupe d'indigènes qui se fait massacrer, d'aborigènes qui se fait massacrer en fin de film, pareil, on ne les a pas connus avant, ils n'ont pas de passif dans le film, et tout d'un coup, pour vraiment une mini broutille, ils en viennent à un déchaînement de violence. Alors j'entends la folie des hommes et le détachement à tuer qui est devenu comme de laver une pomme. Mais quelque part, c'est vrai que ça, après deux heures, c'est quand même... Et dans cette même idée, dans cette même direction-là, en fait, moi, j'ai aussi un problème, c'est qu'à un moment, toutes ces choses-là sont extrêmement parlantes. Je les trouve un peu lourdes. Bon, voilà, c'est une question de où tu places tes propres curseurs aussi en tant que spectateur. Ça, c'est une certitude. Mais il y a un moment où, moi, ça me pose un pur problème dans la manière qu'a le film de m'emporter. C'est-à-dire qu'à un moment, je vois en permanence des intentions. C'est-à-dire que je les vois tout le temps. Quand il tue le gosse, je dis, OK, d'accord. Quand il va tout le temps. Quand il passe au bord de la route, qu'on voit la mer avec ces deux gosses, la maison qui crame, tout ça, tout le temps, je me dis, OK, j'ai compris. OK, l'intention, d'accord. Il y a un moment où moi, ça me sort du film et j'arrive à aucun moment. Enfin, ça m'empêche simplement d'être porté par cette histoire. Ouais, moi, je suis pas d'accord. De nouveau. Bon, que le film soit lourd et clair dans ses intentions, ok, soit. Ça, je peux tout à fait accepter comme discours. Ça n'empêche que moi, je le trouve extrêmement puissant. La mort du gosse, ben, pour moi, enfin, à ce moment-là, justement, tu vois un peu une espèce de porte de sortie. Tu vois une espèce de peut-être d'éclairage un peu sur le personnage du lieutenant, où tu vois aussi, où tu te dis éventuellement, si tu fantasmes comme un dingue, tu peux te dire que le gosse va finir auprès de la jeune Claire et que ça va bien finir. Mais non, en fait, parce que c'est pas ça son propos, parce que son film, il est dur, il est âpre, il est quelque part réaliste. Il y a une anti-iconisation dans ce film. C'est vrai. Ouais. Quelque part, c'est pour ça que tu as un format carré, et il est sur l'humain, et elle voit pas de... Enfin, pour elle, l'humanité, enfin, en tout cas dans ce film-là, et la manière dont elle était organisée entre oppresseurs et opprimés à ce moment-là, ne laissait pas de place à l'espoir, ou en tout cas vraiment extrêmement peu. Et pour moi, ça ramène ça très très fort à ce moment-là. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis choqué par la mort du gosse. Je suis choqué, ouais. Mais pour moi, ça me semble faire partie de son projet. Je suis choqué pas au moment où il y a ce déchaînement de violence qui vient en plus là sans crier gare contre les aborigènes quand ils sont sur le chemin là. Mais en même temps, ça me ramène à la scène qui arrive au bout de 20 minutes. Et donc ça, pour moi, c'est sauf que cette fois-ci, c'est Billy qui est victime et on se dit qu'il en a été victime des dizaines et des dizaines de fois. Donc quelque part, ça remet les pendules à l'heure. Enfin, à chaque fois, cette violence, elle fait mal, elle est répétée, mais pour moi, c'est tout à fait justifié. Ce qui est touchant dans cette scène-là, mais qui pour moi rejoint encore un peu ce que je disais plus tôt, c'est qu'en fait, Billy apprend qu'il est le dernier des siens. En effet, et qu'on voit simplement le personnage principal le Nightingale, en fait. Claire. Extrêmement, concrètement, intérieurement bouleversé par ce qui se passe. Et c'est un moment, c'est un des moments où j'ai été ému. Moi, le moment où elle l'aperçoit alors qu'ils se sont perdus, qu'elle l'aperçoit, qu'elle descend de la charrette et qu'ils se courent l'un l'autre, et que là, pour le coup, il y a des vrais face caméra en gros plan et que tu as les visages qui vont occuper vraiment tout le cadre. Bah là, moi, j'ai été fortement ému, alors que j'ai vu le film dans des conditions lamentables, quoi. Avec ma nana qui se barre au bout de 20 minutes en me hurlant dessus, en devant arrêter, baisser le son, mettre le casque parce qu'elle supporte pas d'être à côté. Enfin, j'ai vraiment vu le film dans des conditions lamentables et il m'a Et pourtant, il m'a transporté, j'y ai pensé pendant deux jours, quoi. Et c'est là où je me dis, putain, l'expérience de la salle, putain, ça me manque, parce que quand t'es, excusez-moi, je vais prendre une expression qui en général n'est pas très agréable, mais quand t'as passé ce deal d'aller dans la salle et de passer ton temps et de te dire que tu vas aller vers l'œuvre, eh ben, si jamais tu, en effet, la scène horrible, tu te la prends dans la gueule au bout de 20 minutes et elle est bien, bien horrible. Mais après, le parcours cathartique, tu le fais aussi en même temps qu'elle, quoi. Ah, mais ça, c'est certain. Ce film, ça nécessite l'expérience. Enfin, pour moi, c'est vraiment en salle qu'il faut le découvrir et faut pas le découvrir. C'est certain, moi. Même si le film est tellement fort que finalement, je suis quand même ému. Mais... Lucien. Je suis d'accord avec ça et c'est ce que je disais en intro aussi par rapport à ce que disait Julien, mais par rapport, tu parles du cadre, je suis certain que je l'aurais ressenti différemment sur un écran géant, ça j'en suis persuadé. Maintenant, à nouveau, je suis désolé, mais l'utilisation du cadre, je vois plus l'intention qu'il y a derrière que ce qui me procure directement. C'est-à-dire que l'idée est très réussie. C'est-à-dire que quasiment tout en lumière naturelle, en plus. Enfin, ça donne l'impression. Aller chercher l'organicité de l'environnement, l'humain, comme tu dis, en plein cadre, l'humain comme un paysage, en fait, ce schéma social qui est extrêmement enfermant pour tous ces personnages, la représentation, je veux dire, verticale, comme unique, c'est un moment presque dit à l'écran. Comme unique possibilité de s'élever de la fuite des oiseaux qui part par le dessus, jamais par les côtés. Enfin, tout ça, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des bonnes idées. Mais à aucun moment, ça fonctionne dans mes tripes, quoi. Alors, moi là, j'ai un souci parce que tu parles d'un film justement qui porterait un discours et qui justement te mettrait à distance. Et en fait, tu cites dans les qualités tout ce qui n'est que des idées assez abstraites, en fait, de véhiculer un discours. Alors que pour moi, ce choix du cadre, il est tout simplement et très simplement légitimé et va en direction de se rapprocher au plus près des acteurs. La scène de viol, elle est très épurée, entre guillemets, elle est très peu... Elle se passe en majorité hors champ, t'es en plein pot sur le visage de la jeune fille, et pour le coup, je suis désolé, mais c'est pas une idée que je suis en train de voir, hein. Je le vis de l'intérieur et violemment. Je suis dans un aspect vraiment viscéral de la scène. Je suis pas du tout dans une question de verticalité ou quoi que ce soit. Les scènes de violence sont régulièrement traitées de ce point de vue-là. Je pense que ce choix-là, il est principalement là pour se confronter au plus près des personnages et pas dans une dialectique ou comme tu le laissais entendre. Je trouve ça assez paradoxal de prêter des qualités au discours et de nier la viscéralité du procédé, en fait. Oui, en effet, à plusieurs moments, je me suis posé la question et je me suis dit, mais ces choses-là, je les vois, elles existent, elles sont presque explicitées par les personnages. Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais les mouvements de caméra verticaux, etc., en allant filmer les oiseaux quand ils sont en train de parler de tout ça, pour moi, c'est limite, on est des oiseaux, on va pouvoir s'envoler. Enfin, c'est quasi dit littéralement. Donc, je pense pas que ce soit de la surinterprétation de ma part. Et à certains moments, ouais, je me suis dit à quel point c'est pas de la théorie pour flatter l'ego critique de ceux qui vont le remarquer. Maintenant, et ça, je suis absolument d'accord. Visiblement, ça t'a pas flatté, donc ça ne devait pas marcher. Donc... tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, je suis absolument d'accord qu'à certains moments, il y a une utilité concrète de cette mise en forme. Mais le problème, c'est peut-être pas un problème, mais c'est que ça marche surtout sur les moments qui sont horribles. C'est-à-dire que ce resserrement du cadre sur l'horreur, ça fonctionne plein pot, ça c'est clair, et ça rend les scènes horribles, absolument horribles. Ça empêche le regard de fuir, concrètement. Je veux dire, tu n'as rien d'autre à voir que ce qui est ignoble. Donc oui, ça fonctionne très bien. Ça, il n'y a vraiment absolument rien à redire là-dessus, et ça marche très bien. Et le choix qui est opéré dans ces scènes-là, c'est majoritairement de se fixer sur le regard, sur le visage des personnages. Ouais. On n'est pas du tout dans un traitement habituel à peut-être souvent assez complaisant. Elle filme les différents viols exactement de la même manière. C'est ce qui est assez frappant aussi. Effectivement, je trouve que tu as bien défendu le film, Olivier, et que moi, j'essaie de... Manu, surtout. Vous deux. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais très heureux de découvrir ce film, que je le trouve très fort, et que là où j'essaie de... Enfin, j'ai l'impression que mon réflexe était un réflexe d'humain ou de survie, de me détacher quelque peu de l'écran pour ne pas trop suffoquer, et que finalement... Je crois que c'est plus l'expérience du spectateur qui s'en extirpe que plutôt le film qui perd en qui perd en force au fur et à mesure. Et effectivement, on revient là-dessus, la salle t'immergerait beaucoup plus dans cette intrigue. Mais... Ouais, je suis persuadé que c'est pas que ça. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je suis persuadé que ça n'a pas été que ça. Maintenant, comme je suis un mec sympa, j'avais quand même enfin, il y a quand même des choses qui m'ont plu dans le film, évidemment. Comme dans Widows. Non, Widow, c'est un film que j'aime énormément. A posteriori. Non, Bref. Enfin, bon, on va pas revenir là-dessus, mais je trouve que Oli en a parlé très très brièvement, mais je trouve qu'il y a un travail sur la lumière qui est assez dingue et en fait qui, comme son approche même du genre ou du sous-genre ou on appelle ça comme on veut, je trouve super intéressant de filmer ce genre de lieu avec une colorimétrie qui est hyper désaturée, comme froide. Ça, qui est un peu... C'est le genre de truc qu'on a d'habitude... Enfin, on a ce genre de lieu, en fait, quand on les voit, généralement, c'est assez chatoyant, c'est plein de couleurs, c'est plein de... Et là, on est dans quelque chose qui est aussi désaturé. C'est assez fascinant, je trouve. Et assez intéressant et rarement vu. Il y a des petites idées quand même tout le temps qui vont dans le sens du récit mais qui fonctionnent très très bien. Tu parlais au lit de la démontée de lait, des trucs comme ça. Je trouve qu'en fait c'est des choses qu'on voit jamais au cinéma et qui fonctionnent très bien dans le cadre de ce film là. Et même si j'ai énormément de réserves sur le film et plus que des réserves, à certains moments le film me gêne énormément et pas dans le bon sens. Je trouve que la fin est une vraie réussite. Genre, en fait, quand la fin est arrivée, j'avais déjà tellement de problèmes avec le film que je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse raccrocher les choses et à être aussi jolie, en fait. Très bien, messieurs, j'aurais encore 1000 choses à dire, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a été quand même très long sur le film de Jennifer Kent, mais il en valait la peine selon moi et selon Manu et selon Julien, mais vous aurez compris. Et selon Lucien qui avait bien des choses à dire en mal dessus, ce qui est... Ah oui, mais moi je préfère, alors qu'on soit très clair, je préfère un milliard de fois voir ça que le Cronenberg fils ou ce genre de truc, hein. Y a pas de... Je propose qu'on le rebaptise Cronenbourg et plus Cronenberg. Bon, très bien, messieurs. Et maintenant, après cette longue et belle discussion, je propose que nous passions au conseil, si Harry Callahan le veut bien. Écoute, pourrieux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu iras. Très bien, et donc maintenant, pour terminer cette belle émission, nous allons passer à une série de conseils. Je vais commencer, puisque je n'ai commencé sur aucun film ce soir, vu le programme restreint. Alors moi, pour rester en Australie aborigène, je vais vous conseiller de voir ou de revoir Walkabout, le film de Nicolas Roeg, qui est sorti en 71, qui est à peu près mon film préféré de son auteur, je pense, enfin, au-delà du chef-d'œuvre, enfin... Je veux dire, mis à part le chef-d'œuvre Don't Look Now. C'est un film avec David Gulpilil, qui est à peu près le seul acteur aborigène qui soit un peu connu à l'international, qui a notamment beaucoup tourné avec le cinéaste australien Rolf De Heer, dans Dick Hanway ou dans Charlie's Country. Voilà, donc Walkabout, c'est marrant parce que c'est un film complètement à l'opposé visuellement et stylistiquement du film de Jennifer Kent. C'est-à-dire que là, on est dans des teintes chaudes, on est vraiment dans l'imagerie du film de désert qu'on peut attendre. Et puis, au niveau de... On n'est pas du tout dans l'approche assez naturaliste de Jennifer Kent, mais dans une approche beaucoup plus expérimentale, avec des expérimentations sur le montage, etc., comme c'était le cas souvent chez Nicolas Roeg. Et certains de ses congénères britanniques à l'époque, n'est-ce pas, Ken Russell en tête. Mais par contre, c'est aussi un film qui, comme le Jennifer Kent, met une jeune fille et un aborigène dans une sorte de road movie, une jeune fille blanche et un aborigène dans une sorte de road movie, et qui met en scène un rituel de cette culture malheureusement perdue. C'est un très très très beau film. Je vous le conseille très chaleureusement. Il est ressorti il y a une dizaine d'années chez Potemkin en support. Voilà. Walkabout, Nicolas Roeg, 71. On passe à Manu. Eh bien moi, comme toi, je vais rester dans un domaine assez similaire au film de Jennifer Kent, puisque je vais vous conseiller The Keeping Room, qui est un film réalisé en 2014 par Daniel Barber, un film britannique, qui se passe pendant la guerre de sécession. C'est une forme de western féministe qui pourrait se rapprocher dans son atmosphère des proies de Don Siegel, mais d'un point de vue clairement féminin. C'est un film où trois jeunes femmes, deux sœurs et leur servante noire se retrouvent isolées dans leur grande propriété sudiste, loin des hommes partis à la guerre, et qui vont se retrouver confrontées à deux soldats de l'Union. Donc il y a tout un jeu larvé de tensions sexuelles, d'émancipation. Et tout comme le film de Jennifer Kent, c'est un film assez épuré, plus fin qu'il n'y paraît dans son propos. C'est un film qui avait déjà au cast Hayley Steinfeld, qu'on avait déjà pu découvrir quelques années auparavant dans The True Grit des frères Coen. Donc voilà, Daniel Barber, il avait réalisé auparavant un premier film qui s'appelait Harry Brown, et qui lui clairement était un vigilante movie avec Michael Caine dans ce qui reste à mon sens son dernier grand rôle au cinéma, en tout cas son dernier grand rôle de premier plan. Et là, on est plus dans un cadre de survival, matinée de western. Donc voilà, c'est un film qui est aujourd'hui disponible uniquement en import, qui n'a pas été exploité en France, et ça serait vraiment, je pense, l'occasion de remettre au goût du jour ce film. Merci Manu. D'ailleurs, Lucien prend des notes. Oui. Moi, je triche un peu parce que je n'ai pas terminé le bouquin, et si ça se trouve, je vais détester la fin, mais j'ai des doutes. Je suis en train de lire un bouquin sur Joseph von Sternberg qui s'appelle Les Jungles Hallucinées, édité chez Capricci, qui est écrit par Mathieu Macheret. Voilà, je trouve que c'est important d'avoir un bouquin en français, un bouquin francophone sur un cinéaste aussi passionnant que von Sternberg. Ça me permet aussi de revoir et de découvrir aussi pas mal de films de lui que je n'avais jamais vu. Ça donne envie, c'est super bien écrit, c'est très agréable à lire, c'est un éclairage assez intéressant, et c'est à mettre en parallèle, j'imagine, avec un bouquin qui est sur ma pile mais que je n'ai pas encore lu non plus, qui est chez Capricci Stories, la sous-édition de Capricci qu'aime beaucoup Julien, sur Marlène Dietrich. Oui, moi j'avais parlé de Mathieu Rostac sur la brèche. Absolument. Julien, tu as pris la parole, garde-la. Oui, moi je vais conseiller la série de Mike Flanagan, The Haunting of Bly Manor, pardonnez my English, de Mike Flanagan, donc, où on découvre, en plus d'une très très très chouette actrice qui est Victoria Pedretti. Bon, il y avait eu une première saison qui s'appelait The Haunting of Hill House. Ici, je ne l'ai pas vue, mais ici on est apparemment dans un genre très différent, puisque elle est inspirée de Henry James, donc déjà forcément ça ne peut être que bien, mais en plus on est dans une atmosphère très particulière et pas du tout effrayante, et que ce qui est touchant, c'est bien toute la mélancolie qui se déploie, et tout, c'est-à-dire que les fantômes du manoir sont plutôt les fantômes qui habitent l'humain, et les fantômes dont qu'on cherche et qu'on essaye de continuer à laisser vivre en nous, ou de retrouver, avec une nostalgie énorme dans chacun des personnages qui essaye de faire revivre le passé, ce qui les rendait heureux, ce qui concourait à la vie heureuse. Et voilà, la nostalgie de ces fantômes est quelque chose d'assez inédit, et en plus, c'est assez splendide visuellement, et c'est assez stylé. Oui. Je vais me permettre de rebondir sur ce que tu dis, parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, même si je trouve que justement dans cette deuxième saison, enfin dans cette Bly Manor là, la mise en place est parfois un petit peu complexe, et justement qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait extrêmement bien dans Hill House, c'était ce mélange de mélancolie, comme tu dis, voire de tragique à certains moments, avec l'horrifique, et ça marchait, c'est quelque chose qui fonctionnait très très bien dans Hill House, et que je n'ai pas retrouvé, de par son manque, je vais dire, d'appréhension horrifique dans Bly Manor, même si je trouve la deuxième saison très intéressante. Mais je pense aussi, ça tient aussi du fait que, pour le coup, dans cette deuxième saison, Flanagan n'a réalisé qu'un épisode, contrairement à la première saison. Ça se sent. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'allais finir, c'est de dire qu'effectivement, je trouvais que malheureusement la série finissait moins bien qu'elle ne commençait, et qu'elle souffrait un peu de longueur. Et tu parlais de mise en place, Lucien, il y a quelque chose. Il y a de nombreux flashbacks, il y a beaucoup d'histoires qui s'entrelacent, qui s'entremêlent, et ça finit aussi un petit peu par manquer de clarté. Il y a un petit manque scénaristique de fin, ou un petit manque de clarté, mais pour l'atmosphère, pour les personnages et pour ce qui se déploie dans la nostalgie, je le conseille tout de même. Sur Netflix, eh bien, merci Julien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Netflix, voilà, on le dit en 5 fois en 10 secondes, Netflix. Merci, vous pouvez passer à la caisse. Donc, pour finir, il me reste à vous dire que nous sommes disponibles en podcast, vous pouvez bien sûr allez sur notre site transmissionlepodcast.com, également sur Facebook, Twitter, Instagram. Insultez-nous, dites-nous ce que vous avez pensé de The Nightingale. Vous pouvez aussi nous écouter sur Apple Podcast, Podcast Addict, PodCloud, Mixcloud, Spotify, iTunes, YouTube. Voilà, merci beaucoup. On espère que ça a été agréable pour vous. On vous retrouve très bientôt et à très bientôt. Ciao.